sais plus si tes yeux étaient bleus, bleus ou bien verts, et s'ils me mentaient mieux quand tu pleurais ou quand tu souriais. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je t'ai rencontré sur le chemin ou si je t'ai trouvé près d'un étang au milieu des forêts. Je ne sais plus. Je ne sais plus si un jour en chantant tu es parti emporté par le vent ou sur les ailes d'un oiseau qui passait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ou bien encore sous le feu de juillet. Je ne sais plus. Je ne sais plus si avant de partir tu m'as promis, presque sans me le dire, que dans longtemps un soir tu reviendrais. Je ne sais plus. Je ne sais plus si je t'ai entendu. Était-ce toi, cette voix inconnue, qu'une chanson dans le vent baladait? Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que tu m'as souri et que depuis mon cœur chante la nuit, chante le jour pour ce sourire. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était en automne ou en printemps, lorsque les fleurs se donnent ou bien encore sous le feu de juillet. Je ne sais plus.